La beauté de tes 14 ans que je n'ai jamais connue, moi qui ai déjà plus de 20 ans. Et si un jour j'ai une fille, je voudrais qu'elle soit comme toi. Elle s'appellera Mélanie, Mélanie ou bien Lolita. Si un jour j'ai une fille,